Voici Histoire vivante jusqu'à 14h sur la première. Très bel après-midi à tous. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, théorie et action. L'homme est le seul animal qui réalise ses rêves. De la prison au plein air. Je puis sans doute me dispenser de vous rappeler l'état actuel du monde. L'apprentissage de la pensée. Le défaut majeur de notre civilisation industrielle basée sur l'expansion est qu'elle ne peut durer. L'univers entier est traversé par le processus de l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire de la dissipation irréversible de l'énergie. Quand toute l'énergie sera dissipée, dispersée, dégradée, entropisée, vous mourrez. L'homme fabrique des objets pour faire en sorte qu'ils accordent plus d'importance à leur téléphone portable qu'à leur gosse. Si l'on rapporte l'histoire de notre planète à une journée de 24 heures, l'homme est apparu dans les 5 dernières secondes. Et l'époque de l'Anthropocène serait apparue dans les 2 derniers millièmes de seconde. Nouvelle et dernière journée en compagnie de Bernard Stiegler dans les bureaux à Paris de l'Institut de Recherche et d'Innovation. J'ai annoncé par avance que les propos d'aujourd'hui tiendraient autour de ces deux adresses que sont la théorie et l'action. S'il est un homme qui l'incarne, c'est bien Bernard Stiegler. Alors on va peut-être passer d'abord par la case théorie. Bernard Stiegler écrit beaucoup, il parle pas mal. Quand on le lit, ou comme moi par exemple, quand je m'essaye à le lire, je me heurte à ce que je pourrais appeler un jargon complexe dans lequel j'ai tôt fait de me perdre. Alors, ces jargons sont, à mon sens, évidemment pas là pour compliquer les choses, mais sans doute pour annoncer qu'elles sont complexes. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être aider votre futur lecteur à déplier quelque peu les choses pour qu'elles soient, je dirais, moins intimidantes? Oui, c'est une vraie question, bien entendu, qui fut posée par Condillac au XVIIIe siècle, dans lequel Condillac avait posé une langue, une science, une langue, c'est-à-dire qu'il posait en principe qu'une science était basée sur la création d'une langue nouvelle. Et à l'époque, on ne séparait pas la science et la philosophie. C'est aussi un problème qui a proliféré de manière inflationniste dans les années 60, 70, 80, en France en particulier, avec ce qu'on appelle la French Theory, ou la pensée post-structuraliste, où effectivement ça jargonnait dur, parfois peut-être de manière un peu vaine ou stérile. C'était aussi une mode, les ismes on les appelait, enfin voilà, le structuralisme, l'existentialisme, etc., etc. Le communisme étant aussi un isme, hein, avec la théorie scientifique de l'émancipation du prolétariat, enfin tout ces, le matérialisme dialectique, etc. Il y a eu certainement de grands abus, mais en même temps, une pensée, c'est forcément la construction d'une langue, une pensée nouvelle. Alors, soit d'une langue qui produit carrément des termes nouveaux, par exemple exosomatisation, dont on parlait hier, ou une langue qui produit des arrangements nouveaux, par exemple soleil noir. Là, je parle de poésie, c'est Gérard de Nerval, ou Rabelais. En fait, toutes les grandes langues, toutes les grandes productions, je prends le mot littéraire au sens large, produites avec des mots écrits, sont toujours des productions originales. Par exemple, aussi Zazie dans le métro de Raymond Queneau, qui tout à coup introduit dans la littérature des gros mots, mon cul. Napoléon mon cul. Napoléon mon cul, par exemple, voilà. Etc. Et c'est une langue aussi nouvelle qui apparaît dans la littérature. Les profs de collège introduisent souvent, à partir de la quatrième, Raymond Queneau. Ils s'aperçoivent que, oui, tout à coup, les collégiens se disent « Ah, mais c'est intéressant, les littératures, quand même !» Etc. Nous pensons qu'aujourd'hui, on a épuisé les êtres humains par la communication, en leur désapprenant à faire des efforts. Bon, alors, par exemple, vous savez que maintenant, la RATP vous recommande de faire, d'utiliser le marché, etc., qu'on vous calcule le nombre de pas qu'il faut faire par jour, parce qu'il y a des très très gros problèmes sanitaires, les gens ne marchent pas suffisamment, ne font plus suffisamment d'efforts physiques, etc., mais au niveau mental, c'est encore pire. Et donc, ce que nous pensons, c'est qu'il ne faut pas décourager les gens en leur demandant de faire des efforts trop grands, mais si on veut penser, c'est un effort. qu'on soit un professionnel ou un amateur ou un être humain, parce qu'un être humain, ça pense. Voilà, c'est ça qui définit quand même son humanité. Ça demande des efforts. Après, il ne faut pas faire des efforts démesurés à des gens. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui est cardiaque et qui a 75 ans de monter 5 étages en courant. Ça, c'est clair. Par contre, si vous voulez monter sur l'Everest, et il y a un membre de Saint-Denis qui l'a fait, d'ailleurs, de la Courneuve, pas de Saint-Denis, de la Courneuve qui l'a fait. C'est une histoire qui a été mise dans un film tout à fait extraordinaire. Voilà, il a réussi, hein, il a réussi à monter l'Everest. Bon. Monter l'Everest, ça demande un entraînement d'enfer, voilà, et il y a eu 250 morts. Voilà. Donc c'est extrêmement dangereux. La pensée, c'est pareil. Alors, il y a toutes sortes de... Bon, moi, par exemple, je rêve de travailler sur les nouvelles mathématiques ou sur des questions de physique et tout ça. Et je renonce parce que c'est trop compliqué. J'ai pas les formalismes mathématiques qu'il faut. Aujourd'hui, la physique, c'est des mathématiques d'abord. Hein. Donc, voilà. Et donc, par moment, je renonce. Comme, par exemple, je renoncerai à monter l'Everest. Je suis plus taillé pour ça. Voilà. Donc, il faut pas engager les gens à s'attaquer à des échecs qui sont garantis. On commence pas à s'attaquer à des questions de maths à 67 ans. J'ai 67 ans. Donc, à certaines questions de mathématiques. On commence pas. On continue, mais on commence pas. Voilà. Après, je vais vous raconter une anecdote. C'est une des plus belles journées de ma vie. C'était il y a une quinzaine d'années, 16 ans, je crois. En face, là-bas, à l'IRCAM. J'étais le directeur de l'IRCAM à cette époque-là. Je reçois un coup de fil un après-midi, à peu près à cette heure-là. Ma secrétaire, qui était à l'étage en dessous, me dit, il y a deux jeunes mecs qui veulent vous voir. Est-ce que je les fais monter? Je dis, faites-les monter. Et ces deux jeunes mecs, c'était deux maghrébins de la Courneuve. Ils m'avaient écouté, deux, trois semaines avant, ou un mois avant, sur France Inter, dans la bande à Bono. Frédéric Bono m'invitait, un peu comme vous, quand je sortais des livres, il m'invitait tout le temps, il lisait tous mes bouquins, Bono. C'est un type formidable. Bon. Et il avait, un jour j'avais publié un bouquin qui s'appelait Mes créanciers discrédits, mon premier livre d'économie politique. Voilà. Il avait fait une telle retape, avec une il avait lu tout le bouquin, il avait tout lu lui-même, il n'avait pas d'assistant, etc. Et on avait une discussion tellement sympathique, tellement, c'était difficile les sujets dont on parlait, qu'un mois plus tard, deux mecs arrivent, de la Courneuve. Dans la résonance. Des grands frères, c'était ce qu'on appelle des grands frères à l'époque. C'est-à-dire des jeunes, mais qui s'occupaient de plus jeunes pour leur éviter d'aller en prison. Ou de faire du trafic, ou de, voilà, essayer de les calmer un peu. Et ils viennent et me disent, Monsieur Stiegler, on vous a écouté avec Frédéric Bono, ça nous a vraiment plu. Donc on lit le livre. Mais c'est dur, c'est vraiment dur. Alors aidez-nous. Voilà. Ils lisaient ce bouquin à la Courneuve avec des mômes de la Courneuve. Et puis, il y a deux ans, j'ai publié ce bouquin, ou il y a un an, qui s'appelle Dans la disruption, qui est un livre difficile, qui a un très bon titre. Le sous-titre, c'est Comment ne pas devenir fou. J'en ai vendu énormément. Et j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont dit, mais vraiment, j'en ai bavé, mais je suis arrivé jusqu'au bout. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, voilà, ils sont prêts à faire des efforts. Maintenant, il ne faut pas les envoyer au casse-pipe. Par ailleurs, moi, j'ai des stratégies. Je fais aussi beaucoup, beaucoup de vidéos. Par exemple, là, je viens de faire une vidéo pour Le Média, qui est un journal en ligne télévision qui avait été monté par Mélenchon et qui s'est fâché avec Mélenchon. J'ai fait 140 000 vues, voilà, sur un sujet très compliqué. C'est la négantropie en économie. C'est ça, le sujet. Et les gens regardent. Et ils invitent les gens à regarder. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait du buzz, du coup. Et les gens se fatiguent. Ils en bavent. Ils le disent. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, Bernard Stiegler, de ce besoin-là? À quoi il correspond? Comment vous le traduisez, vous? Je le traduis par ce que je vous ai dit, ce que je ne vous ai peut-être pas dit, d'ailleurs, à propos de la clinique contributive. La clinique contributive, dont je parlais il y a deux ou trois jours, nous travaillons avec des mères de famille, hein, y compris les péricultrices. Ce sont des mères de famille qui vivent dans le quartier, ce sont des femmes du quartier. Nous leur faisons lire Donald Winnicott, Gregory Bateson, François Toscaïès. Nous faisons des séminaires ici d'abord, avec des médecins, etc. Et ensuite, nous leur faisons des restitutions, nous enregistrons tout le séminaire, nous leur donnons tous les textes que nous avons commentés, et nous leur disons, faites ce que vous voulez. Soit vous vous contentez de ce qu'on vous en dit, soit vous lisez les textes, soit vous regardez la vidéo, etc. Et bien, elles lisent tous les textes, elles regardent toute la vidéo, et elles en reveulent, elles nous disent, enfin, on ne nous prend pas pour des connes. Voilà. Et je pense que les gilets jaunes aussi disent ça. Parce que les gilets jaunes, c'est un peu... Il y a tout ce qu'on veut dedans. Mais moi, je regarde les ensembles générales de gilets jaunes. Mais ils réfléchissent, ces gens-là. Et ils sont tout à fait prêts à se creuser la tête. Faut pas penser que les gens sont des gros paresseux qui veulent... C'est pas vrai du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inquiets. Et ça, c'est ce qu'avait expliqué Hegel. C'est quand on est inquiet qu'on commence à réfléchir. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est inquiet. À partir de là, tout le monde se met à réfléchir. On est dans un moment de ce que donc Hegel appelait la skepsis. C'est-à-dire qu'on est dans le doute, le scepticisme, on dit. Le scepticisme, on se met à douter. Voilà. Et c'est dans ce moment-là qu'on se met à réfléchir. Et là, on peut demander des efforts aux gens. Il ne faut pas trop leur en demander. Et puis, nous avons une stratégie très progressive. Le programme qu'on met à Pleine Commune, on a dit, il nous faut 10 ans. Parce qu'il faut transformer le territoire très en profondeur. Et on est en train de lancer un truc avec les gamins, dès la classe de CM2. On dit, si on veut produire les producteurs du bâtiment de Pisée dans 6 ou 7 ans, où on va reconvertir le village olympique en des bâtiments d'habitation, c'est maintenant qu'il faut s'occuper. Donc c'est dès les CM2 qu'il faut commencer à travailler avec eux, et on travaille avec les profs pour changer la façon de parler aux gosses de tout ça. Et notre ambition, c'est que les mômes de Seine-Saint-Denis connaissent le Building Information Modeling, qui est la technologie de pointe du construction aujourd'hui, mieux que les cadres et les ingénieurs de Vinci. J'entends dans ce que vous dites, Bernard Stiegler, peut-être me corrigerez-vous, par exemple auprès des puéricultrices, un travail nécessaire de traduction. Il faut arriver à traduire quelque chose qui peut être, pour X raisons, indéchiffrable en premier aspect, mais qui progressivement tout s'éclaire. Tout à fait. Et il faut partir de ce que font les gens. On a commencé ce séminaire et ces ateliers de lecture avec ces puéricultrices par Donald Winnicott. Donald Winnicott, c'est un pédopsychiatre qui s'est occupé des enfants orphelins de la Deuxième Guerre mondiale pendant la guerre à Londres. Londres était bombardée toutes les nuits. Il y avait des centaines d'orphelins à chaque bombardement qu'il fallait accueillir et dont il fallait s'occuper. Plus de mère, plus de père, etc. Et donc, il a élaboré une théorie de l'enfant et du rapport de la mère et de l'enfant. Il a essayé d'élaborer des nurses qui étaient capables de se remplacer les mères et d'essayer de comprendre les conditions de ce remplacement. Et ça l'a amené à développer une théorie qui s'appelle la théorie de l'objet transitionnel, qui est une théorie pas extrêmement illisible, hein, c'est lisible, mais évidemment qui saute pas aux yeux tout de suite quand même. Quand on connaît pas la psychanalyse, la psychiatrie, etc., c'est pas simple. Par contre, quand on vient parler à des puéricultrices de Donald Winnicott, ça leur parle immédiatement. Donald Winnicott, par exemple, l'explique, ça, c'est, tout le monde connaît ça, il dit, voilà, un bébé, entre la mère et le bébé, il y a toujours un objet qu'on appelle le doudou, la tétine, un objet comme ça, qui remplace en fait le sein maternel, qui est un substitut. Bon. Tout le monde a fait l'expérience de perdre cet objet. C'est la panique. Si vous avez, par exemple, votre fille qui vient avec son bébé, il perd la sucette, il vous téléphone en disant on a paumé la sucette, vous allez remettre toute la maison pendant 3 heures pour retrouver la sucette. Parce que c'est pas possible de se passer de la sucette. Tout le monde sait ce que c'est que ça. Et ben ça, Winnicott l'a théorisé. À partir du moment où on arrive, on va voir ces puéricultrices en leur disant, regardez ce que dit Winnicott à propos de la sucette. Il dit, c'est génial. C'est ce qu'on voit tout le temps, mais on n'arrivait pas à le formaliser. Lui, il l'a formalisé. Donc, on vient pas les voir d'emblée, par exemple, avec, je sais pas, la théorie de Gregory Bateson, ce qu'il appelle la cybernétique du soi. Ça serait un échec garanti. Par contre, ce texte-là, qui est extrêmement difficile, y compris pour moi, hein, moi j'ai bavé, hein, pour lire ce texte. Eh bien, on leur avait dit, bon, on n'est pas obligé de le lire, il est vraiment très dur. Eh ben, ils nous ont dit, oh ouais, il est vraiment très dur, mais on le lit quand même. Voilà. Elles prennent ce qu'elles peuvent prendre. Moi, c'est pareil. Hein. Pendant 20 ans, j'ai lu les critiques de raison pure, il y a plein de trucs que je comprenais pas. Je prenais ce que je pouvais prendre. Voilà. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut faire confiance aux gens. Et il faut leur. Par contre, il faut pas les mettre dans des situations d'échec. Ça, c'est évident. Si on les. Alors, voilà, c'est une autre pédagogie. C'est pas une pédagogie simplement pour les enfants. C'est une pédagogie générale, si je puis dire, à l'époque de l'Anthropocène. L'époque de l'Anthropocène, c'est la skepsis, c'est-à-dire le doute, l'inquiétude généralisée. Et là, il y a des opportunités de faire des choses. Mais il ne faut pas demander aux gens de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire, bien entendu. La communauté scientifique mondiale multiplie les alertes depuis 40 ans. L'impact de l'homme sur la nature est tel que nous serions entrés dans une nouvelle époque de l'histoire de la Terre. Une nouvelle époque géologique. Et changer d'époque géologique, c'est peu fréquent. Celle dans laquelle nous vivions jusqu'ici, l'Holocène, a commencé à la fin de la dernière période glaciaire il y a 11 700 ans. Cette nouvelle époque a déjà engendré des milliers de publications scientifiques. Les stratigraphes de l'Union internationale des sciences géologiques ont proposé un terme pour la nommer. L'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge de l'homme. En clair, ce que nous vivons aujourd'hui ne serait pas une simple crise environnementale, mais une révolution géologique d'origine humaine. Alors, quels sont les événements historiques marquants, les découvertes scientifiques et techniques, les choix politiques et industriels qui sont à l'origine d'un tel bouleversement? Comment avons-nous avancé dans l'histoire pour en arriver là? Bernard Stiegler, je le disais en début de semaine, quand on a envisagé dans la case Histoire vivante, radio et télé, la diffusion d'un documentaire, Le Grand Dérèglement, à la seule résonance de ce mot dérèglement, j'ai pensé à vous, ce qui vous a fait sourire en début de semaine. Mais je finalement pas fait tout à fait fausse route, sachant que Vialet, c'était un homme que vous connaissiez déjà, je ne m'en souvenais plus, avec lequel vous aviez travaillé lors d'un documentaire « Le temps de cerveau disponible ». Vous avez eu l'occasion de regarder pour nous le grand dérèglement qu'on découvrira dimanche soir. Donc les gens ne l'ont pas encore vu. Est-ce que vous pouvez nous en faire un résumé et surtout vous transformer peut-être en critique cinématographique? Qu'avez-vous pensé de l'objet? Je pense que c'est une grande réussite, quand même, d'abord. Je connais assez bien, en fait, l'équipe avec laquelle Jean-Robert Vialet a travaillé. Voilà, il y a deux historiens des sciences du Centre Alexandre Coiré. C'est ça. Et donc, ils sont des gens qui ont écrit un livre qui est devenu un best-seller. En France, ça s'appelle l'événement, un best-seller, entre guillemets, hein, dans le monde scientifique, disons, qui s'appelle l'événement Anthropocène, qui est un livre absolument remarquable. D'abord, ils ont établi que ce qu'on appelle l'Anthropocène, ça démarre, disons, au cours du XVIIIe siècle. Essentiellement avec la politique d'exploitation du charbon par l'Angleterre. Et ils ont montré que très très très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, d'abord en Angleterre, puis ensuite en France, puis en Allemagne, il y a des protestations contre les effets toxiques de toutes ces pratiques. Alors là, dans le film, on ne parle pas de tout ce qu'ils abordent dans le livre. Dans le livre, ils parlent aussi des vaccins, c'est un sujet de grande actualité actuellement, avec le retour de la rougeole, etc. Bon, je ne vais pas en parler. C'est un travail tout à fait impressionnant, très, très, très, très novateur, pour lequel j'ai eu beaucoup de nominations. Moi-même, j'avais invité un des deux historiens, j'arrive plus à retrouver leur nom. Bonneuil. Bonneuil, voilà, Christophe Bonneuil. J'avais invité Christophe Bonneuil dans mon école, voilà. Mais ça, c'était pas très très bien passé. Alors, les historiens, les philosophes ont parfois un petit peu de difficulté à se comprendre. Mais je pense que, surtout, je l'avais un petit peu asticoté. Parce que dans ce livre, ils disent, à la fin du livre, il va falloir apprendre à vivre en Anthropocène. Et moi, je refuse ce point de vue. Je dis, non, il ne faut pas du tout apprendre à vivre dans l'Anthropocène. Il faut transformer l'Anthropocène. C'est invivable, l'Anthropocène. C'est donc, de toute façon, c'est ce que depuis le GIEC a dit, voilà, à très courte échéance, ça n'est plus vivable tout simplement par l'espèce humaine en tout cas, peut-être par les bactéries, les virus et les parasites, je veux dire les insectes, etc. qui sont, mais pour les animaux supérieurs, en particulier les humains, ça sera littéralement invivable. Donc non, il ne faut absolument pas s'adapter à l'Anthropocène. Alors cela dit, ça c'est pas dit dans le film. Voilà. Le film est excellent. Je pense qu'il est extrêmement bien construit avec des images d'archives qui sont saisissantes. Et c'est un agencement, on se croirait avec un DJ dans une boîte, avec un DJ génial qui sait faire des agencements entre des bouts de musique, sauf que là c'est pas des bouts de musique, c'est des documentaires, c'est des publicités, surtout américaines, pas seulement, françaises aussi, ou européennes, extraordinairement intelligemment montées, parfois d'ailleurs à contre-emploi apparent, voilà, avec des espèces d'antithèses qui font énormément réfléchir. Vraiment, c'est un film absolument formidable. Et je pense que, par ailleurs, il apporte aussi des trucs qu'on ne trouve pas dans le bouquin de Bonneuil et Fressoz. On ne trouve pas dans l'événement Anthropocène. Il y a tout un aspect, par exemple, en particulier sur la politique américaine, l'armée américaine, etc., qui n'est pas développé dans le livre. Alors qu'ils sont peut-être développés dans d'autres livres, je ne sais pas, ou qu'ils sont en train de développer, parce qu'ils écrivent, ils travaillent beaucoup. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus riche sur certains plans que le livre lui-même. Je vais vous donner témoignage d'une surprise que j'ai eue en regardant ce documentaire. Ça fait pour moi partie de ces images qu'on n'avait pas encore mises sous le nez jusqu'à présent et qui, d'une certaine manière, ne me permettaient peut-être pas complètement d'avoir la preuve par l'image de la présence de l'Anthropocène. Donc de ne pas avoir suffisamment fait les mises à jour depuis longtemps de cette question-là. Mmh. Et je pense notamment à ces avions qui survolent des grands champs de monoculture avec des arrosages à n'en plus finir. Ces seules images qui ne présentent pas de prime abord une quelconque forme d'inquiétude, d'anxiété, mais pris dans ce contexte-là, sont particulièrement angoissantes, sont elles la preuve que ça s'est passé. Ce ne sont pas des images que le réalisateur a filmées, ce sont des images d'archives, mais c'est des images qu'on ne voyait pas. Tout à fait. Et on voit aussi une autre chose, peut-être ça vous a échappé parce qu'on le voit à peine, c'est une image furtive. Un bonhomme qui a un truc de vaporisateur de anti-poux, je ne sais pas quoi, qui le balance dans la tête d'un petit enfant. D'un petit enfant, oui. Mais c'est totalement incroyable. Alors habituez-vous là, à l'anthropocène, comme dit l'autre. Et de voir à quel point les gens étaient inconscients de la dangerosité. Alors, et là, je voudrais souligner un point quand même, parce que dans mon dernier bouquin, Qu'appelle-t-on penser, je souligne que Friedrich Nietzsche était très inquiet de ce qui se passait. Il a vu venir ces questions, Friedrich Nietzsche, c'est ce que j'essaye de montrer. Et c'est pour ça qu'il dit, dès 1872, notre philosophie doit commencer non pas par l'étonnement, comme disait Aristote, mais par l'effroi. Et ensuite, en 1879, il décrit ce que j'appelle la combinaison entre la machine à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe et la presse comme quelque chose qui va totalement exploser le monde. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Eh bien, il est frappant de voir qu'en France, Friedrich Nietzsche a toujours été présenté comme le philosophe affirmatif du devenir qui disait « oui, il faut dire oui au devenir » et ça. C'est pas du tout ce que dit Nietzsche. Il a été lu comme ça. Maintenant, Félix Guattari en 1989 et Gilles Deleuze en 1990 ont changé leur point de vue. Tout à coup, ils ont dit, Guattari dans les trois écologies, a dit, mais en fait, c'est très très dangereux ce qui est en train de se passer. Ils en ont pris conscience. Mais ceci a été effacé par les historiens, parce que si vous discutez aujourd'hui avec des jeunes deleuziens, qui sont des soi-disant, ils ont totalement oublié ça. Or, c'est le testament de Deleuze. Voilà. Donc il y a eu un processus de déni qui s'est produit dans ma génération. Moi, j'étais étudiant de ces gens-là. Si vous regardez Derrida, Lyotard, tous ces gens-là, même Simondon, il n'y a aucune toxicité à l'horizon. Ils ne voient pas. Donc il y avait une efficacité du matraquage idéologique, même chez des gens aussi intelligents et avertis, ça fonctionnait. Et c'est ce qu'on voit quand on voit ce type qui donne un coup de DDT dans la tête de son môme. Ce qui est quelque chose de totalement, qui est quasiment criminel. C'est un petit enfant, ça peut avoir des effets absolument catastrophiques. Mais là, il ne s'agit pas de dénoncer des choses, il s'agit d'analyser pourquoi ça a été comme ça et qu'est-ce qu'on doit en retirer aujourd'hui. Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut en tirer beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut lire Lotka. Parce que Lotka a vu ces choses avant tout le monde. En 1945, il parle de ça. Et donc, je pense qu'il faut relire tout ça, qu'il faut mobiliser les gens, que c'est pas perdu. Moi, je parle avec des grands patrons de grandes boîtes et qui sont vraiment inquiets. Et qui disent, oui, on a vraiment fait n'importe quoi. Leur problème, c'est que parfois, ils ont du mal à convaincre des actionnaires qui peuvent, par ailleurs, rentrer et sortir comme ils veulent. Et donc, il y a un problème de structure économique, ce qui est très bien expliqué, d'ailleurs, dans le film. Les transformations des... Mais vous qui avez beaucoup aussi travaillé, Bernard Stiegler, sur ces questions de pharmacone, peut-être préservez-vous une certaine forme d'anxiété et d'optimisme mêlé, justement parce que vous avez travaillé cet objet à multiples facettes. En fait, c'est la base de l'Ars Industrialis de dire ça. Nous, Ars Industrialis, lorsque nous l'avons créé il y a 14 ans, nous disions, le numérique est une chance formidable, mais c'est un pharmacone, donc ça va d'abord faire énormément de dégâts. C'était ça notre point de départ. Et ça, c'est une approche, alors que je dois beaucoup à Jacques Derrida, d'ailleurs, que j'ai critiqué à l'instant en disant il n'a pas vu, parce que Derrida, à ma soutenance de thèse, s'est moqué de moi parce que je disais que tout ça pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Donc il m'a demandé de quoi avez-vous peur, ce qui était une manière de me ridiculiser un peu. Et je réponds dans ce livre, j'avais pas peur, je craignais, c'est pas du tout la même chose. Les gens qui ont peur, ce sont des gens lâches. Les gens qui craignent sont des gens lucides, c'est pas du tout la même chose. Et après, un soldat qui va au front, s'il ne craint pas de mourir, c'est ce qu'on appelle un téméraire, c'est-à-dire que c'est un fou. Moi, j'ai pas peur, mais je crains. Voilà. Et je pense que c'était ce que disait déjà Socrate. Voilà. Et c'est Derrida qui m'a appris à lire Socrate comme ça. Donc c'est, en fait, c'est le point de départ de la philosophie de Socrate. Voilà. Parce qu'après, Platon va éliminer toutes ces choses-là. Platon va dire l'écriture c'est mauvais, la technique c'est mauvais. Non, ça c'est ce qui va être l'origine de ce qu'on appelle nous les philosophes la métaphysique. La technique n'est pas mauvaise, on est obligé de faire avec. Après, comment ? Est-ce qu'on doit développer toutes les techniques ? Non. Je ne pense pas qu'il faille développer le DDT, la bombe atomique, etc. Bon, maintenant, ils existent. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, voilà, tout ça, ce sont les questions sur lesquelles nous avons à travailler maintenant. Et c'est pour ça que nous faisons cette démarche à l'ONU. C'est parce que nous pensons qu'il faut alerter l'opinion publique mondiale et se donner les moyens maintenant, non pas de développer le DDT et d'empoisonner le monde, mais de désintoxiquer le monde. Et c'est tout à fait possible. Donc, si l'on veut vous aider, vous appuyer dans cette démarche qui sera donc dans la première finalité, la première étape, disons plutôt, aura lieu en janvier, le 10 janvier 2020. Le 10 janvier 2020. Quoi faire ? Qu'est-ce que vous nous recommandez ? Eh bien, nous sommes en train de créer un site. Voilà, il est possible d'y contribuer. Il est possible de nous soutenir de mille manières, y compris en nous apportant un peu de moyens pour payer les voyages, parce qu'il y a des gens qui vont venir d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, d'Inde, de Chine, etc. Donc tout ça coûte pas mal d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Nous cherchons aussi un peu de soutien financier. Donc s'il y a des gens qui veulent nous aider, ben on sera. Nous cherchons aussi des soutiens, je veux dire, diplomatiques. L'ONU est un organisme diplomatique. Nous ne sommes pas des diplomates. Nous n'avons pas trop envie, en plus, de jouer nous-mêmes ce jeu-là, parce qu'on ne sait pas le faire. Donc moi, je ne veux pas me mettre à aller jouer au football, je suis très mauvais, donc c'est pas la peine. Par contre, nous avons besoin d'être aidés. Et je pense que la Suisse pourrait nous aider en partie. Parce que la Suisse, c'est pas par hasard que la SDN a été constituée en Suisse. C'est pour une raison bien précise. C'est que la Suisse a toujours essayé de ne pas s'engager dans les conflits. Et donc c'est très important, je pense qu'il y a un héritage historique de la Suisse sur ce plan-là, et que la Suisse a un rôle à jouer. En plus, comme je l'ai dit dans une émission antérieure, il y a une sensibilité en Suisse aux questions que nous posons, y compris à la localité, qu'on ne trouve pas dans tous les autres pays de l'Occident industrialisé. Donc voilà, je pense aussi que nos amis de la Suisse peuvent nous aider en tant que tels. Comment, je ne sais pas très bien. Mais on va essayer de peut-être commencer à démarcher un petit peu à Genève aussi des acteurs politiques et des fondations, des structures comme ça. Le nom du site ? Internation.world. Internation.world. Nation au pluriel ou au singulier ? Au singulier. Sachant que le mot internation, c'est un mot de Marcel Mauss, qui en 1920 a écrit pour répondre à des marxistes qui s'opposaient à la Société des Nations et qui disaient « nous on défend l'internationalisme prolétarien », il a répondu « vous savez, la nation ne va pas disparaître comme ça, et si vous voulez la faire disparaître, elle reviendra violemment ». Et donc nous pensons qu'il faut écouter ce que disait, c'était pas du tout un nationaliste, hein, du tout, Mauss, mais par contre c'était un homme réaliste. La nation c'est une structure qui est importante, on peut pas la balayer comme ça, et si on la balaye, elle revient au galop, mais avec la rage au cœur, donc c'est un peu dangereux. Donc, nous sommes partis en fait d'une relecture de ce texte de Marcel Mauss, qui a été publié dans un livre qui s'appelle La Nation, où nous disons qu'il faut revaloriser la localité nationale. Ça ne veut pas dire être nationaliste, ça ne veut pas dire fermer les frontières, du tout. Mais ça veut dire par contre ne pas nier qu'il y a des spécificités locales et qu'il faut les valoriser et les défendre. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante, Bernard Stiegler. Merci à vous. À la prochaine fois. À bientôt. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Depuis deux siècles, au nom du progrès, l'homme exploite la planète, épuisant ses ressources et modifiant son climat. Depuis 50 ans, des scientifiques et des écologistes tirent la sonnette d'alarme. Les pionniers du développement durable, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet.